Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. La Coupe du Monde bat son plein actuellement en Russie et on est très fiers d'avoir pendant cette Coupe du Monde-là. Il prend quelques minutes pour nous puisqu'il travaille énormément à RDS. C'est l'analyste Jean Gounel. Bonsoir Jean. Bonsoir. Jean, d'abord, si on parlait un petit peu de jusqu'à maintenant, on a quand même une excellente Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant, le meilleur match, on peut-tu parler de Portugal-Espagne? Oui, qui reste un match référence dans le tournoi, c'est sûr. Ce qui va être amené à devenir un des gros matchs dont on va se rappeler pour la suite, on verra. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le tournoi du même niveau. Mais oui, on a eu exactement dans ce match-là ce qui faisait vraiment la grandeur de la Coupe du Monde. Enfin, un des éléments, en tout cas, deux équipes de très très haut niveau, des joueurs évidemment de très haut niveau, quelques petites erreurs aussi qui font que le match gagne en drame. Mais ça a été certainement le match dont on va se souvenir pour le moment, en tout cas sur cette première semaine. OK. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, l'Espagne a gagné 1-0 contre l'Iran, ça n'a pas été nécessairement... ils ont dominé le jeu, mais ça n'a quand même pas été nécessairement une victoire convaincante. C'est quand même pas une puissance que l'Espagne l'Espagne affrontait. Est-ce que le fait qu'on a congédié sélectionneur à deux jours d'avis, est-ce que ça apparaît jusqu'à maintenant? Non. Non, pas du tout. La seule, allez, écoute, je dirais moi que s'il y a une équipe qui est capable de s'auto-gérer complètement, c'est l'Espagne, hein. Okay. C'est-à-dire où les joueurs sont capables eux-mêmes de prendre des décisions dans le vestiaire. C'est eux. Maintenant, il y a rien qui n'ait changé véritablement dans le fond. C'est-à-dire qu'ils jouent toujours de la même façon. Il y a rien vraiment qui va modifier les choses. Bon, il y a l'accompagnement, mais là aussi, toutes les autres personnes, ils les connaissent et sont là depuis le début. Fernando Hierro, qui a été nommé pour cette Coupe du Monde en intérim pour l'instant, tous les joueurs le connaissent. Il est proche de la sélection depuis longtemps. C'est un ancien grand joueur de Madrid. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. La seule chose où il pourrait y avoir une différence et peut-être une dissonance, ce serait éventuellement s'ils choisissaient un 11 de départ ou des changements dans le jeu, des remplacements qui paraissent bizarres. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Maintenant, de l'autre côté, sur la façon dont l'Espagne a joué aujourd'hui, c'est son genre. Elle est habituée aussi à jouer des équipes comme l'Iran a présenté aujourd'hui, qui sont très très renfermées sur elles-mêmes et qui font un gros bloc défensif. Donc les Espagnols ont appris à être très patients, à tourner, à varier des combinaisons et à essayer de trouver une façon de débloquer la situation. Ce qui explique aussi que dans certains matchs, l'Espagne va dominer mais ne va gagner que par des petits scores, parce que c'est très difficile à passer ce genre de défense. Ok, je veux vous parler de l'Allemagne contre la Suède. Ça va avoir lieu samedi en fin d'après-midi à 14h. C'est un match qui pourrait être important, ça. C'est un match qui pourrait décider de ce que va faire l'Allemagne dans ce tournoi. Déjà, la championne Son titre est mal entamé, ça c'est clair. Hein. Ce sera pas un match facile. On parlait de l'Espagne face à une équipe très regroupée aujourd'hui. Je pense que l'Allemagne va avoir à faire une équipe très regroupée, la Suède, qui va chercher vraiment à limiter au maximum les occasions allemandes, qui va faire bloc, qui va essayer de jouer des contre-attaques uniquement. Donc pour l'Allemagne, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire à être travaillé dans le système que la Suède va mettre pour essayer de débloquer une ou deux occasions. Je m'attends pas, sauf vraiment grosse surprise, à ce que ce soit un très gros score, mais pour l'Allemagne, l'important ce sera uniquement de gagner, d'aller prendre les trois points pour rester en course. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions au niveau individuel dans le premier match en Allemagne. Je ne pense pas. Parce que beaucoup de changements, ça voudrait dire que le sélectionneur, quelque part, dit « je suis pas sûr de mon coup, j'ai fait des erreurs ». Donc, une ou deux modifications, c'est possible. Sinon, je n'ai pas l'impression que ce soit dans sa nature de faire de gros changements. Il va faire confiance, je pense, à une majorité de joueurs qui étaient là face au Mexique. Peut-être qu'il y aura effectivement une ou deux modifications. Mais après, il met des joueurs, parce que c'est sa façon de fonctionner, devant leur responsabilité et de leur dire, voilà, vous avez ce match-là pour prouver, okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. OK. Si on parlait maintenant de la France qui, j'écoutais un reportage en France actuellement, ils sont critiques un peu, sauf que ils sont critiques du style de Didier Deschamps. Oui, du style de Didier Deschamps. Le problème, c'est, j'ai l'impression qu'il a du mal lui-même à définir son style. On a l'impression qu'il sait pas trop où il va. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de talent, mais qu'il n'a pas encore trouvé la façon de les mettre ensemble. Alors, il dépend aussi toujours de ce que les joueurs eux-mêmes vont livrer sur le terrain, et ça n'a pas été terriblement convaincant face à l'Australie. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va revenir sur des solutions un peu plus classiques, hein, avec par exemple Giroud, qui n'était que remplaçant lors du premier match. Il a peut-être tenté, et ça il faut lui donner le crédit là-dessus, il a peut-être tenté aussi une expérience face à l'Australie qui apparaissait comme l'équipe la moins forte du groupe, en essayant de modifier un petit peu les choses, de créer une autre dynamique. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, dans le sens où la France n'a pas eu vraiment un jeu soutenu et limpide et rapide aussi, ce que Deschamps attendait. Maintenant, faut pas non plus tout jeter, et y a quand même, à la différence de plusieurs autres équipes, au moins tu peux te dire que la France a commencé sur une victoire, donc ce qui est déjà ça d'enlever cette pression là et cette problématique là enlevée, parce qu'elle pose problème à d'autres sélections, mais c'est fou. C'est grandement perfectible. Maintenant, là aussi, je crois pas que Deschamps va faire de terribles modifications de fond. Il va peut-être chercher un peu à changer l'organisation offensive, et donc je parle de Giroud, Griezmann essentiellement, qu'on devrait voir avec un autre joueur probablement offensif. C'est là, on verra un petit peu ce qu'il va choisir, mais je le vois continuer un petit peu dans la même veine. Mais pas non plus modifier grandement toute son équipe. OK. L'Islande, c'est une belle surprise, encore une fois. Ça avait commencé à l'Euro en 2016. Et ils ont surpris l'Argentine avec une victoire nulle de 1-1. Hein. Oui, encore que le bloc solide qu'ils ont et leur façon de jouer, qui est vraiment la même match en match, c'est plus une surprise. Et qu'ils arrivent à tenir l'Argentine, c'était, disons, peut-être pas si prévisible, mais en tout cas, le potentiel était là pour tenir l'Argentine en échec. Il faut que l'Argentine trouve, elle, de son côté, d'autres solutions offensives, arrive à surprendre là aussi un adversaire qui est regroupé et qui fait bloc. Sinon, pour les Sordes, on connaît sa façon de jouer. Ouais. Elle est très difficile à manier. C'est pas particulièrement beau, hein, mais c'est d'une efficacité terrible. Et une efficacité face à n'importe quel adversaire. OK. Ben Jean Gounel, un gros merci. On s'en reparle mercredi prochain. Eh bien, merci bien. Et à la semaine prochaine, alors. Jean Gounel de RDS.